Lamarck par Edmond Perrier. Au jardin des plantes, en face du pont d'Austerlitz, à l'entrée de cet admirable jardin français dont les splendeurs florales balurent, il y a quelques jours, aux jardiniers du muséum, les félicitations officielles du ministre de l'Instruction publique et la reconnaissance des Parisiens, s'élèvera bientôt la statue d'un homme qui fut toute sa vie méconnu, attaqué, plaisanté, et qui se trouve être un des plus grands que notre pays ait produit, le chevalier Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet de Lamarck. Les noms de Buffon, de Cuvier, de Darwin sont dans toutes les bouches. Celui de Lamarck est à peine sorti des laboratoires, et cependant, l'un des plus grands naturalistes d'Angleterre, Huxley, écrivait naguère « Je ne suis pas suspect de voir trop bas la place de Darwin dans l'histoire des sciences. Cependant, je suis disposé à penser que Buffon et Lamarck le serrent de très près, sous le double rapport du génie et de la fécondité. Par l'ampleur des vues et l'étendue des connaissances, ces deux hommes sont des géants. Cuvier ne vient qu'après eux. Il existe à Berlin une allée triomphale où sont dressées pour l'édification du peuple les statues de tous les rois de la dynastie des Hohenzollern. Le muséum est un centre d'enseignement unique parce que la parole des maîtres y est sans cesse illustrée, pour ainsi dire, par d'incomparables collections. Ne serait-ce pas compléter admirablement son rôle d'éducateur que d'y instituer une sorte de parc triomphal de la science où les 30 000 personnes qui viennent chaque dimanche y faire d'instructives visites apprendraient à connaître les héros dont les efforts ont abattu le voile derrière lequel se cachait ce que l'on appelait au XVIIIe siècle le mystère de la nature. Il était juste que dans ces Champs-Élysées scientifiques, Buffon et Lamarck tinssent la première place. Buffon n'est pas seulement l'admirable descripteur dont les œuvres ont fourni au recueil de morceaux choisis tant de modèles de style. C'est avant tout le penseur profond qui, dans son histoire de la Terre, dans ses époques de la nature, a le premier tiré de l'observation de ce qui se passe autour de nous l'explication de la structure du globe, séparer l'œuvre du feu de celle des eaux, expliquer la formation de la houille, signaler la disparition d'antiques espèces animales, réclamer qu'on fît de leur reste une étude méthodique, prévu l'importance de cette science évocatrice du passé qu'on appelle la paléontologie, restituer autant son importance dans l'œuvre de la création et qui, après avoir donné à la géologie une méthode, créa l'histoire naturelle de l'homme. Buffon avait déjà au muséum une statue pour ainsi dire intime, dressé de son vivant. À l'occasion du 2e centenaire de sa naissance, il va voir sa statue publique, œuvre magistrale, admirée au dernier salon d'un sculpteur de grand talent, M. Carlus. Les problèmes qu'a abordé Lamarck exigent autant de pénétration délicate que ceux dont Buffon s'occupa, d'ampleur dans la pensée. Comme Buffon, il en cherche la solution dans les phénomènes qui se produisent habituellement sous nos yeux, mais dont les conséquences demeurent inaperçues, justement parce qu'ils nous sont familiers. Pour lui, la vie résulte de l'action sur des mucilages inertes, spontanément formés de deux forces antagonistes, la chaleur qui les dilate, les distend, l'électricité dont les décharges font brusquement cesser leur tension. Les êtres vivants, constitués de la sorte, se modifient ensuite par leur propre fonctionnement. Tout organe dont il est habituellement fait usage se développe. Tout organe laissé au repos s'atrophie. C'est le procès de la paresse, de l'inactivité, de l'excessive limitation des heures de travail, de la phobie du surmenage et autres tremplins sur lesquels il a été, depuis quelques années, exécuté tant d'exercices. De ce double mouvement, le progrès des organes actifs, la déchéance des organes passifs, résulte d'incessantes transformations des formes animales qui sont transmises par hérédité. Comme l'activité des organes est surtout provoquée par le milieu extérieur, les formes des animaux sont naturellement toujours dans la plus étroite harmonie avec ce milieu. Cette harmonie, cette adaptation aux conditions d'existence qui découle naturellement de la doctrine de Lamarck, est au contraire la grosse difficulté contre laquelle est venue buter celle de Darwin, qui charge la lutte pour la vie de choisir parmi les menues variations survenues au hasard celles qui permettent aux animaux de vivre le mieux possible dans les conditions où un autre hasard les a placés. Lamarck pose donc d'emblée sur des bases scientifiques le problème de l'origine, des transformations, des perfectionnements successifs et de la diversification des êtres vivants. Pour lui, comme pour Buffon, c'est au conflit permanent des forces et des choses que le Créateur s'en est remis de la transformation des êtres. Autour de nous, tout évolue suivant d'immuables lois. C'est aujourd'hui le fond même de nos idées sur le monde. Mais au commencement du XIXe siècle, ces idées ont dormi un demi-siècle sous le poids des doctrines tout opposées que professait Cuvier. Les causes de ce triomphe d'une philosophie stérile sont multiples. Quelles qu'elles soient, par elles, malgré l'éclat avec lequel il avait exposé les plus hautes conceptions, appuyées sur la documentation la plus puissante, Buffon fut, pour le grand public, réduit aux proportions d'un styliste à manchettes de dentelle et le modeste Lamarck totalement éclipsé. C'est d'Angleterre, c'est d'Allemagne, c'est d'Amérique que nous sont revenus les premiers témoignages d'admiration pour l'œuvre de Lamarck. Aujourd'hui, ses vues profondes dominent la science, la renouvellent et lui donnent l'espérance d'arracher à la vie ses précieux secrets. Le Muséum d'histoire naturelle, où Lamarck, comme Buffon, passa la partie la plus féconde de sa vie, a pensé qu'il était temps de faire connaître à tous, par une manifestation éclatante, une grande œuvre et un grand homme. Il a voulu que tous ceux qui considèrent comme un devoir patriotique de glorifier un profond penseur puissent prendre part à cette manifestation. Sous le haut patronage de M. le Président de la République, de Sa Majesté le Roi de Portugal, de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, il a ouvert une souscription internationale pour élever au grand homme oublié un monument digne de lui. La vie de Lamarck fut d'ailleurs d'un bout à l'autre un modèle de tranquille courage et d'abnégation. Il était né à Bazentin, en Picardie, où son père, d'origine béarnaise, était venu s'établir. La plupart de ses parents étaient militaires, mais comme il était le 11e enfant de sa famille, on le fit entrer au séminaire d'Amiens. La mort de son père lui rendit, à l'âge de 16 ans, sa liberté. Il en profita pour se rendre, muni d'une recommandation pour le colonel du régiment de Beaujolais, à l'armée que commandait en Westphalie le maréchal de Broglie. Arrivé juste pour assister à la défaite de Willingshausen, il refusa de quitter le champ de bataille où il était abandonné parce qu'il n'avait pas d'ordre et fut de ce fait promu officier. La paix renvoya son régiment à Toulon puis à Monaco. C'est là que la splendeur de la flore méditerranéenne l'attira vers la botanique. Un accident qui brisa sa carrière militaire à peine commencée l'obligea à venir à Paris chercher une situation. Il songea tour à tour à se faire médecin, musicien, banquier. En attendant la fortune, il rêvait, et comme ses modestes ressources l'avaient obligé à se loger tout près du ciel, il se mit à contempler les nuages, imagina pour les classer les catégories qu'adoptent encore les météorologistes, et se demanda bientôt si leurs caprices n'obéissaient pas à des lois, si, dans leurs aspects variés, il n'était pas possible de lire la prédiction du temps. Il n'y avait pas encore d'observatoire météorologique officiel. La prétention parut extrêmement plaisante aux gens sérieux, et dès lors, Lamarck fut classé. Cependant, il avait repris, avec de Jussieu, l'étude des plantes, et bientôt, il publiait une flore française qui eut un vif succès. Il y rendait abordable à tous, au moyen d'une méthode universellement employée aujourd'hui, l'art de trouver le nom des plantes. Ce fut pour Lamarck l'amitié de Buffon et l'entrée à l'Académie des sciences. Buffon mourut bientôt, mais son successeur, un maréchal de camp nommé La Billarderie, attacha Lamarck à l'herbier du muséum. La protection de ce vieux militaire n'était guère pour le jeune botaniste un titre à la bienveillance de ses collègues. La Billarderie allait le sacrifier quand il fut lui-même remplacé par Bernardin de Saint-Pierre. Ce dernier, en 1793, proposa son maintien à la Convention sous cette forme quelque peu sceptique. Comme les botanistes sont encore les plus difficiles à mettre d'accord que leur système, on pourrait charger M. Desfontaines d'herboriser à Paris, M. de Jussieu à la campagne et M. de Lamarck en province. De la sorte, tout le monde serait occupé et content. L'année suivante, la Convention décrétait la transformation du Jardin royal des plantes médicinales en Muséum national d'histoire naturelle et supprimait le poste de Bernardin de Saint-Pierre, tandis que Lamarck devenait professeur dans l'établissement nouveau. Mais, botaniste, il était chargé d'y enseigner l'histoire des animaux sans vertèbres. Il avait alors 49 ans et ne connaissait que quelques coquilles. Heureusement, dans son nouveau domaine se trouvaient tous ces êtres ambigus, éponges, coraux, méduses, qui semblaient confinés au règne végétal. N'était-ce là qu'une apparence? N'y avait-il pas réellement passage entre les deux règnes, et dès lors, tous les êtres vivants n'étaient-ils pas liés intimement? Ne descendaient-ils pas des plus simples d'entre eux, graduellement perfectionnés et compliqués? C'est en réponse à ces questions qu'il édifia la puissante doctrine qui pénètre aujourd'hui toute notre philosophie et qui révèle de délicats mécanismes d'harmonie continue là où d'autres n'ont vu que les résultats brutaux d'une lutte sans merci entre tous les êtres. D'ailleurs, il nomme, classe et coordonne en un arbre généalogique vivant tous ces animaux infimes, avant lui presque délaissés, si bien que pour cette partie simplement documentaire de son œuvre, Geoffroy Saint-Hilaire lui décerna sur sa tombe, comme un suprême éloge, le nom de Linné français. Geoffroy ne se doutait pas que c'était honoré ce grand Linné, dont l'université d'Uppsale vient de fêter pompeusement le deuxième centenaire. Pour avoir écrit une œuvre de génie, la philosophie zoologique, Lamarck avait une seconde fois mérité les sourires et les quolibets, et Geoffroy lui-même n'osait le louer que pour la partie en quelque sorte matérielle de son œuvre. Aveugle, délaissé, Lamarck vécut jusqu'à 85 ans, dans la maison que Buffon s'était fait construire et qui, toujours debout, au coin de la rue Geoffroy-Saint-Hilaire et de la rue de Buffon, semble, dans son délabrement, pleurer ses glorieux maîtres. Quelquefois il se plaignit à sa fille Cornélie, pieusement cloîtrée avec lui, de l'injustice, prévue cependant de ses contemporains. « Calmez-vous, mon père, consolait la noble fille, la postérité vous glorifiera, elle vous vengera. » Le monument du sculpteur Fagel rappellera cette scène émouvante et sera la réalisation matérielle de la prophétie de Cornélie de Lamarck. Edmond Perrier.